الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن خير الوصايا وأعظمها وأجلها أجلها وأرفعها لهي الوصية بتقوى الله عز وجل فهي أيها المؤمنون وصية الله للأولين والآخرين من عباده فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لأصحاب الكرام ولأمته بعده فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صلى الله عليه وسلم قال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله فقال رضي الله عنه لخير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها فرضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وحقيقة التقوى أيها المؤمنون هي العمل بطاعة الله رجاء لثواب الله على نور من الله رجاء ثواب الله وهي ترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذابه سبحانه وتعالى فالله ربنا عز وجل أمر نبيه بتقوى فقال جل جلاله يا أيها النبي اتق الله وأمرنا كذلك بتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فما أعظم شأن التقوى والأمر به أيها المؤمنون من كان من أهل التقوى نال السعادة في الدنيا والآخرة وأكرمه الله سبحانه وتعالى بأطيب الثمار وأجمل المنن فتقوى الله عز وجل خير زاد يبلغ به العبد رضوان الله عز وجل قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتقوى الله تعالى هي العاقبة الحميدة والمآل المبارك في الدنيا والآخرة قال تعالى والعاقبة للتقوى. وقال تعالى والعاقبة للمتقين. وتقوى الله تعالى سبب لتيسير الأمور وتفريج الكروب وسعة الرزق. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فما أعظم ثمرات التقوى أيها المؤمنون. والله لو أن رجلا ترك شغلا في المحرمات كبيع الخمور والخنزير لفرج الله عز وجل عنه ولفتح عليه من أبواب الرزق ما كان لا يحتسب. فثق بربك بأن الأمور تتيسر إن اتقيت الله عز وجل. تقوى الله سبحانه وتعالى سبب للتمييز بين الحق والباطل وبين النافع والضر وبين الخير والشر. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. المتقون أكرم الناس عند الله عز وجل. قال جل وعلا في كتابه المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أي الناس أكرم أو من أكرم الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام أتقاكم لله. أتقاكم لله. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، لا يميز بيننا بالجمال والنسب بل بالتقوى أيها المسلمون. المتقون الله عز وجل معهم بالمعية الخاصة، يقربهم يوفقهم يدافع عنهم ويؤيدهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أهل التقوى هم أهل الفلاح. واتقوا الله لعلكم تفلحون. المتقون أيها المؤمنون هم أولياء الرحمن. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التقوى دعت إليها الأنبياء والرسل أممهم. قال الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كذلك قال نوح وصالح وهود وإبراهيم ونبينا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التقوى جنة من عدوك وكيده، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. المتقون أعد لهم الله عز وجل جنات النعيم وحفظهم من النار الأليم. قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. وقال إن المتقين في جنات ونعيم. وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المتقين. وسيجنبها الأتقى أي النار. فما أحوجنا أيها المؤمنون إلى أن نتحل بالتقوى وأن نعمل بطاعة الله وأن نجتنب معصيته سبحانه وتعالى. المتقون في الدرجات العلى يوم القيامة والمنازل الشريفة. قال الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. المتقون أعمالهم مقبولة عند الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين, إنما يتقبل الله من المتقين. وبالتقوى أثنى الله عز وجل على أنبيائه ورسله وكان تقيا. واعلموا أن للمتقين صفات ذكرت في القرآن الكريم يتميزون بها. فعلى سبيل المثال قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بيّن الله عز وجل صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيات. وقال في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال في آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله, من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه هي صفات المتقين. فالمتقون لهم صفات عظيمة تتخلص في أمرين: العقيدة الصحيحة السليمة المستفادة من القرآن والسنة, والعمل الصالح المقبول عند الله عز وجل, وجميل الأخلاق. وجميل الأخلاق. فالواجب على كل من نصح نفسه أن يكون تقيا لله عز وجل, طربا لمرضاته ورجاء لثوابه واتقاء لناره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المتقين. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد, sachez que la plus grande des recommandations, la plus immense et la plus importante, est la recommandation faite par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, par son messager dans sa sunna, et par les pieux prédécesseurs mutuellement. Cette recommandation n'est autre, serviteur d'Allah, que la recommandation de la piété, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran que c'est la recommandation faite aux premières générations tout comme aux dernières. Il nous dit dans son livre, nous avons certes fait des recommandations à ceux qui ont reçu le livre avant vous ainsi qu'à vous-même. Quelle est cette recommandation? Un ittaqullah, craignez Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action de la bonne, elle l'effacera. Et sois avec les gens selon le bon comportement. Un homme interpella Omar ibn Khattab radiallahu anhu en ces termes, crains Allah. Alors Omar ibn Khattab s'arrêta et lui dit, il n'y a aucun bien en vous si vous ne nous recommandez pas cette parole, et il n'y aura aucun bien en nous si nous n'acceptons pas cette parole, si nous n'acceptons pas cette parole. Et c'est ce que se recommandaient les ancêtres pieux, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Certains en tremblaient après avoir entendu cette grande recommandation de par la connaissance qu'ils avaient de son importance. Et la piété, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a défini Talq ibn Habib, c'est le fait d'obéir à Allah avec science, en espérant sa récompense. Et de s'éloigner de la désobéissance d'Allah avec science, par crainte de sa punition. Donc la piété, c'est faire ce qu'Allah nous a ordonné. Et s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. Voici ce qu'est la piété. Allah a ordonné la piété à la plus noble de ses créatures. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, « Ô toi prophète, crains Allah. » Il ordonne à l'ensemble des gens également la piété, et plus particulièrement aux croyants, car leur foi les pousse à craindre Allah. Craignez Allah autant que possible. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Ô combien est l'ordre, ô combien est grand l'ordre de la piété, et ô combien sont nombreux ses fruits. Celui qui attend la piété, qu'il s'apprête à recevoir tout le bien dans ce bas monde, dans sa tombe ainsi que dans l'au-delà, il obtiendra les meilleurs fruits et les actions les plus bénies, ainsi que l'agrément de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites de la piété, Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset, et prenez vos provisions. Et la meilleure des provisions est la piété. Ainsi, la piété est la meilleure chose qui te fait attendre l'agrément de ton Seigneur subhanahu. La piété, c'est le plus beau vêtement par lequel tu peux te parer. Walibasu taqwa dhalika khayr. Avec la piété, tu obtiendras la bonne finalité et la meilleure des fins. Il se peut que tu sois éprouvé avant cela, mais Allah te dit dans le Coran, وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, et la bonne fin appartient aux gens pieux. Avec la piété, Allah te facilitera toutes tes affaires et t'accordera une issue devant tous tes problèmes, ainsi que la vasteté de la miséricorde. Et celui qui craint Allah, il lui accordera une issue et lui accordera sa subsistance d'où ne s'y attendait pas. Wallah, ici une personne délaisse un travail dans le haram, comme le fait de transporter l'alcool ou autre. Il délaisse le travail dans l'usure, les intérêts et autres. Par Allah, Allah lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. C'est possible qu'il soit éprouvé à temps déterminé pour voir est-ce qu'il va retourner au péché et avoir des doutes sur la promesse d'Allah. Mais celui qui est véridique et qui délaisse le haram pour Allah Azza wa Jal dans la recherche de sa subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera, comme il le promet ici, sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. On nous dit également, et celui qui craint Allah se verra effacer ses péchés et il recevra l'énorme récompense. Avec la piété, Allah t'accordera le discernement par lequel tu distingueras entre le bien et le mal, l'utile du nuisible. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement, vous effacera vos péchés et vous pardonnera. Les gens pieux sont les gens les plus nobles chez Allah. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, « Certes, le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au messager d'Allah, « Qui est l'homme le plus noble ?» Il répondit, « Le plus pieux d'entre vous. » Le plus pieux d'entre vous. Allah azza wa jalla ne regarde pas nos apparences. Il ne regarde pas nos corps, la couleur ou le nom de famille, mais il regarde les cœurs et les actions. Il regarde la piété. C'est cela qui compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens pieux, Allah est avec eux. En plus de les voir et de les surveiller, il les défend, il les protège. Il les assiste et les guide. Certes, Allah est avec les pieux et avec ceux qui sont bienfaisants. Les gens de la piété sont les gens de la réussite. Et craignez Allah afin d'obtenir la réussite. Les gens pieux sont les alliés d'Allah et ses bien-aimés. Il nous dit dans son livre, selon la traduction de ces versets, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient en Allah et le craignent. Il y aura pour une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Avec la piété, et en recommandant la piété, tu seras sur le chemin des prophètes et des messagers. Tous ordonnez cela à leur peuple avec le tawhid. Ô mon peuple, craignez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Ne le craignez donc vous pas. C'est cela qu'a dit Nuh, Saleh, Hud, Ibrahim et autres à leur peuple, ainsi que notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Avec la piété, Allah te défendra devant tes ennemis. Et ça sera pour toi un rempart et un bouclier. Et si vous êtes endurant et pieux, leurs manigances ne vous nuiront en rien. Et Allah est parfaitement, englobe parfaitement de sa science ce qu'ils font. Les gens pieux, Allah leur a promis des jardins dans lesquels coulent des ruisseaux. Et il les prémunit du feu de l'enfer. Certes, les gens pieux seront dans des jardins et des sources. Certes, les gens pieux seront dans des jardins et des délices. Voici le paradis que nous avons, duquel hériteront ceux parmi nos serviteurs qui sont pieux. Ô combien nous sommes dans le besoin de nous montrer pieux envers Allah Azza wa Jalla et ses ordres. Ô combien nous sommes dans le besoin de nous montrer pieux pour avoir l'élévation auprès d'Allah. Ceux qui se montrent pieux seront au-dessus des autres le jour de la résurrection. Les gens pieux, leurs actions, Allah les accepte. Certes, Allah n'accepte que des gens pieux. Par la piété, Allah Azza wa Jal a fait les éloges de ses prophètes et de ses messagers dans le Coran. Sachez, chers frères, que les gens pieux ont des caractéristiques par lesquelles ils se distinguent des autres, par lesquelles ils sont reconnus par les autres. De manière apparente. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne beaucoup de versets à cet effet. Par exemple, au début de Sourate Al-Baqarah, il nous dit subhanahu wa ta'ala Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les gens pieux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ces gens pieux, en nous disant, ceux qui ont foi aux choses de l'invisible, ceux qui accomplissent la prière, ceux qui dépensent de ceux dont nous leur avons donné, de ceux que nous leur avons attribué. Voici les caractéristiques des gens pieux. Dans Sourate Al-Imran, Allah Azza wa Jal nous mentionne d'autres caractéristiques lorsqu'il nous dit, subhanahu wa ta'ala, et empressez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, ceux qui retiennent leur rage et qui pardonnent aux gens, et certes Allah aime les bienfaisants. Ceux qui, lorsqu'ils tombent dans une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ils ne restent pas dans cela alors qu'ils savent. Dans le verset de Sourate Al-Baqarah, on nous mentionne d'autres caractéristiques des gens pieux. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, indigents et à ceux qui demandent l'aide. Et pour délier les jougs, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Voici les gens pieux, et voici leurs caractéristiques qu'on peut résumer en deux paroles. La première, la croyance authentique, et la deuxième, les actions pieuses et le bon comportement. Et il se peut qu'une personne se demande, après avoir compris l'importance de la piété, après avoir compris les nombreux fruits et mérites d'être pieux, comment devenir un serviteur pieux? Et c'est ce qu'on mentionnera, Inch'Allah ta'ala, dans la khutbah de la semaine prochaine. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا وأرض المسلمين. اللهم أصلح أنفسنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Il y a plusieurs personnes sont éprouvées par différentes maladies et ils vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jalla en leur faveur. فنسأل الله عز وجل أن يشفيهم أجمعين. On demande à Allah Azza wa Jalla de les guérir. Plusieurs personnes se battent ou endurent devant certains cancers et autres. On s'unit à leur famille dans leurs peines et leurs difficultés. On demande à Allah Azza wa Jalla de leur accorder la meilleure finalité, une endurance, ainsi qu'un pardon pour leurs péchés et de les soigner. Et je vous rappelle le projet de la construction de la mosquée. On espère en Allah Azza wa Jalla obtenir les fonds suffisants pour voir se lever cet édifice. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'y mettre les meilleures personnes afin de peupler cette mosquée et de l'orienter vers ce qu'il y a de mieux. Walhamdulillah, Rabbil Alameen.